l'air Ferrari. Sans vraiment savoir ce dont j'avais envie, la lumière ou le noir. Je ne suis jamais dit que j'écrivais mon histoire. J'étais sorti du paradis comme ça, un beau soir. J'ai fait ce que j'ai dû, pas toujours ce qu'il fallait. Je me disais que ça allait. J'ai marché, j'ai couru, sans savoir où j'allais. J'ai aimé, j'ai bu un peu plus qu'il ne fallait. Enfin, c'est ce qu'on croit.